Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. What a blessing to be here today. Quelle bénédiction d'être ici aujourd'hui. Let us pray right away. Prions immédiatement. In the mighty name of Jesus. Dans le puissant nom de Jésus. Mighty Father. Puissant Père. Heaven is your throne. Le ciel est ton trône. And the earth. Et la terre. Your footstool. Ton marchepied. Precious Father. Précieux Père. The God of Elijah and Moses. Le Dieu d'Élie et de Moïse. Look today. Regarde aujourd'hui. We are gathered here. Nous sommes rassemblés ici. In the mighty name of Jesus. Dans le puissant nom de Jésus. Precious Father. Précieux Père. The God of Abraham. Le Dieu d'Abraham. The God of Isaac and Jacob. Le Dieu d'Isaac et de Jacob. Precious God of Israel. Précieux Dieu d'Israël. The nation of the French Guiana. La nation de la Guyane française. Gathered before you. Ils sont assemblés devant toi. To seek you. De te chercher. And to take your instruction. Et de recevoir tes instructions. For this hour. À cette heure-ci. In the history of the church. Dans l'histoire de l'église. Precious Lord. Précieux Seigneur. Mighty Lord. Puissant Seigneur. Help these people. Aide ce peuple. That they may get to hear this. Afin qu'ils puissent écouter ceci. And see this. Et voir ceci. And prepare the way. Et préparer le chemin. For the coming of the Messiah. Pour la venue du Messie. In the mighty name of Jesus. Dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. What a blessing to be here. Quelle bénédiction d'être ici. In your nation. Dans votre nation. I have come. Je suis venu. I have come here. Je suis venu ici. To announce to you. De vous annoncer. Number one. Premièrement. That revival has broken out. Que le réveil a commencé. Revival. Le réveil. Is visiting the church right now. Est en train de visiter l'église maintenant. The nations. Les nations. The nations are being visited. Les nations sont en train d'être visitées. The nations are being visited. Les nations sont en train d'être visitées. And today. Et aujourd'hui. Is the beginning of revival. In French Guiana. C'est le début du réveil à Guyane française. Alléluia. Alléluia. Oh yes. Oh oui. Alléluia. Alléluia. Number two. Deuxième chose. That the Messiah is coming. Que le Messie revient. Number two. Deuxième point. The Messiah is coming. Le Messie revient. And because. Et parce que. The Messiah is coming. Parce que le Messie revient. The French Guiana. La Guyane française. Must also prepare. Toi aussi se préparer. Hallelujah. Hallelujah. That is what I've come to say. C'est ce que je suis venu dire. I have come to say that. Je suis venu dire cela. That we need to prepare. Que nous devons nous préparer. Now. Maintenant. The Lord has spoken with me. Le Seigneur a parlé avec moi. About the coming of the Messiah. Au sujet de la venue du Messie. On May 13th. Le 13 mai. May 13th. Le 13 mai. The Lord. Le Seigneur. He spoke. Il a parlé. Spoke with venue du Seigneur. What did he say? Qu'est-ce qu'il a dit? Listen. Écoutez. In that mighty dream, dans cet rêve puissant, I looked up in the sky. J'ai regardé vers le ciel. Everybody follow me here. Tout le monde suivez-moi ici. I was looking up in the sky. J'étais en train de voir sur le ciel. In that dream, dans ce rêve, May 13th this year. Le 13 mai de cette année ici. 2014. 2014. And as I looked up, et quand je regardais en haut, I saw tremendous glory coming from heaven. Je vis une grande gloire venant du ciel. But mais the glory I saw, la gloire que j'ai vue, came like a dome, est devenue comme une grande coupole. Meaning, ça veut dire consumed, ça a été consumé. The entire earth, ça a consumé toute la terre. Hallelujah! Hallelujah! On that day, à ce jour-là, nobody will escape this. Il y a personne qui pouvait échapper ça. On that day, à ce jour, nobody will escape this. Personne ne pourra échapper ceci. The glory, la gloire, consumed all the horizons of the earth, a consumé tout l'horizon de la terre. And when he looked up, et quand je regardais en haut, when I looked up, quand je regardais en haut, it looked, ça semblait like a dome of rays. C'était comme une coupole de rayons coming on the earth, venant sur la terre. That is when, c'est à ce moment-là, the voice of the Lord spoke. La voix du Seigneur avait parlé. And when he spoke, et quand il a parlé, what did the Lord say? Qu'est-ce que le Seigneur avait dit? The voice said, la voix a dit, look, regarde, the Lord is coming. Le Seigneur revient. And when I looked, et quand j'ai regardé, in the direction east, à la direction est, this is a beautiful place to be, this one here. Ça c'est un bel endroit d'être ici. This Cayenne, ça c'est Cayenne, is a beautiful place. C'est une belle place for me to describe that dream. Pour moi de décrire cette rêve, ce rêve. Listen, écoutez. When I looked east, quand je regardais à est, far at the end of the horizon, loin au coin de l'horizon, it blinked twice, ça cliquait trois fois, like pia pia, ça flashait deux fois pia pia. When you are here, quand tu es ici, and it's going to rain the other side, quand tu es ici que ça doit pleuvoir de l'autre côté, you only see lightning, tu dois voir les éclairs doing pia pia the other side. Là, il y a des éclairs pia pia de l'autre côté. That's how it did. C'est que ça avait fait pia pia pia pia. Like it is going to rain the other side. C'est comme si ça allait pleuvoir de l'autre côté. Pia pia. Pia pia. Now I understand. Maintenant je comprends. When the Bible says. Et la Bible dit. In a flash. En un clin d'œil. In the twinkling of an eye. En un clin d'œil dans un flash. Pia pia. Pia pia. Twice. Deux fois. At the end. Au fond, au coin. And then. Alors. The church was taken. L'église était prise. The church. L'église. Was pia pia taken. Pia pia. L'église est partie. And I remember. Et je me rappelle. In that dream. Dans ce rêve. After the church was taken. Après que l'église soit prise. The Lord, le Seigneur, said, a dit, and look, regarde, the church was not ready. L'église n'était pas prête. Meaning, ça veut dire, the majority of the church out there, la majorité de l'église dehors là-bas, was not ready. N'était pas prête. The church that was taken, l'église qui était prise, was remanente. C'était un reste. Remanente. C'était un reste. A The Lord, le Seigneur, he made me, il m'a fait fall on the soil, il m'a fait tomber sur le sol, and start rolling, et de rouler, and weeping, et pleurant, that the church was not ready, et l'église n'était pas prête, and I was rolling, et je roulais, and weeping, et je pleurais, very bitter, amèrement, tears, avec les larmes, and crushing my teeth, et grinçant les dents, gnashing teeth, et grinçant les dents. When I woke up, quand je me suis réveillé, I was shocked, j'étais choqué, rolling and gnashing my teeth. Je roulais par terre, je pleurais et je grinçais mes dents, crying, en pleurant, that the Messiah came, que le Messie est venu, and the church, et l'église, was not ready, n'était pas prête. The Lord made me roll, le Seigneur m'a fait rouler au sol, and cry, et pleurer, and weep, et pleurer, tristesse, la tristesse, crushing teeth, j'ai grincé les dents. Then I woke up, et je me suis réveillé. How? Comment? How can the church, comment est-ce que l'église, be born again, qui est née de nouveau, for many years, pendant des années, and when that day comes, et que quand ce jour arrive, she's not ready, et qu'elle n'est pas prête. That is the message. C'est ça le message. I have brought, que j'ai amené. I have come to announce, je suis venu annoncer. That time is over. Que le temps est fini. That at this hour, qu'à cette heure-ci, we only have time, on a seulement le temps, to prepare, de se préparer. The nations, les nations, have been preparing, sont en train de se préparer. But French Guiana, mais la Guyane française, Cayenne, la Cayenne, has not been preparing, n'a pas encore commencé à se préparer. Listen, écoutez. When the Lord Jesus, quand le Seigneur Jésus, spoke about the rapture of the church, a parlé sur l'enlèvement de l'église, Matthew 25, Matthieu 25, verses 1 to 13, verset 1 au verset 13, il a dit, it will be like 10 virgins, ça sera comme 10 vierges, 10 virgins, 10 vierges, hallelujah, and he said, et il dit, 5 were wise, 5 étaient sages, and 5 were foolish, et 5 étaient folles, both of them, deux d'entre eux, les deux groupes, the 10, les 10, they were a church, et ils étaient l'église, they are church, ce sont des églises, they are church of Christ, c'est l'église du Christ, the 5, the 5, les 5 et les 5, they are church, c'est l'église, they all believe in Jesus, ils tous en croient en Jésus Christ, hey. But, mais, when the day comes, quand le jour est venu, when the day comes, quand le jour est venu, only the wise, seulement les sages, enter, sont entrés. How possible? Comment est-ce possible? The 10, les 10, are church, c'est l'église. And when the day arrives, et quand le jour arrive, only the 5 wise, c'est seulement les 5 sages. Listen, écoutez. And he said, et il dit, the difference, la différence, is the jar of oil, la différence, c'est les vases d'huile, the oil, l'huile, for this hour, de cette heure ici, the oil, l'huile, for this moment, de ce moment, that is the difference, c'est ça la différence, the oil, l'huile. Cayenne, Cayenne, the Lord Lord says, le Seigneur dit, this is the hour of the Holy Spirit. Ça, c'est l'heure du Saint-Esprit. Aye. Hey. Holy Spirit. Le Saint-Esprit. That you may receive him. Afin que vous puissiez le recevoir. That you may oil up your salvation. Afin que vous puissiez rendre votre salut. Ah. French Guiana. Guyane française. He says. Il dit. I have seen. J'ai vu. The church that will miss. L'église qui va manquer. I have seen how she will weep. J'ai vu comment elle va pleurer. Hey. Let us prepare. Préparons. The Bible says. La Bible dit. Behold. Voici. It is the fear of God. C'est la crainte de l'Éternel. Which is wisdom. Qui est la sagesse. When I look at the church here, et quand je regarde l'église ici, there is no fear of God. Il n'y a pas la crainte de Dieu. The women are walking naked. Les femmes marchent nues before the Lord. Devant le Seigneur. Sexual sin. Il y a le péché sexuel. In the church. Dans l'église. Before the Lord. Devant le Seigneur. Falsehood. Il y a la société. In the church. Dans l'église. Before the Lord. Devant le Seigneur. False apostles. Le faux apôtre. False prophets. Le faux prophète. False evangelists. Le faux évangéliste. Preaching a gospel. Prêchant l'évangile. Of the world. Du monde. A sweet gospel. Le message succulent. Sweet to the flesh. Je succulent pour la chair. How? Comment? How can we enter like that? Comment pouvons-nous finir comme ça? How can we enter like that? Comment pouvons-nous entrer comme ça? Tell me. Dites-moi. How can French Guiana? Comment est-ce que la Guyane française? Enter like that. Entre comme ça. The Lord is saying. Le Seigneur est en train de dire. Repentance. Repentance. Repentance. Repentance. The message I bring to you. Le message que je vous apporte. Is the message of repentance. C'est le message de la repentance. That you may repent. Afin que vous puissiez repentir. And turn away from sin. Essayez de tourner du péché. Rolling. Roulant. On the soil. Sur le sol. And weeping. Et pleurant. And gnashing of teeth. Et grinçant les dents. Ah! Ah! And still called church. Et on continue à appeler ça église. Let us prepare. Non, préparons-nous. The kingdom of God is near. Le royaume de Dieu est proche. The kingdom of God. Le royaume de Dieu is a holy kingdom. C'est un royaume saint. Holy. Saint. Righteous. Justice. Perfect. C'est parfait. Glorious. C'est glorieux. Without spot. Sans tache. Without stain. Il n'y a pas de tuyau. Without wrinkle. Il n'y a pas de ride. Let us prepare. Non, préparons-nous. Listen. Écoutez. Ask yourself. Demande-toi toi-même. Today. Aujourd'hui. This announcement. Cette annonce. Has come here. Est venue d'ici. What will I look like? Comment est-ce que je vais, à quoi je vais ressembler? After this meeting. Après cette réunion. The same? C'est la même chose. Will you remain the same? Est-ce que tu vas rester la même personne? And he said. Et il dit. When the Messiah came. Quand le Messie est venu. When the announcement was made. Et quand l'annonce était faite. Behold, voici. Here is the Messiah. Voici le Messie. Come out to meet him. Venez le rencontrer. He says. Il dit. The wise virgins. Les vierges sages. The wise church. L'église sage. That was ready. Qui était prête. With a jar of oil. Avec les vases d'huile. They went in. Ils sont entrés. And entered. Et sont entrés. And when they entered. Et quand ils sont entrés. The door. La porte. Was shut. Était fermée. Ah. Ah. Some versions. Quelques vierges. Of the Bible. De la Bible. They say. Quelques versions de la Bible disent. And the Lord shut the door. Et le Seigneur a fermé la porte. The Lord. Le Seigneur. Himself. Lui-même. Shut the door. Il a fermé la porte. The one you love. Celui que vous aimez. Lord, Lord. Seigneur, Seigneur. I love you. Je t'aime. Lord, Lord. Seigneur, Seigneur. Bless me. Bénis-moi. Lord, Lord. Seigneur, Seigneur. Open for me. Ouvre pour moi. And he said. Et il dit. To tell you the truth. À te dire la vérité. Without holiness. Sans la sanctification. I do not know you. Je ne te connais pas. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Hey. Without holiness. Sans. The Lord will not know you. Le Seigneur ne te connaîtra pas. Ah. How can you be born again? Comment pouvez-vous être né de nouveau? And live et manquer in this French Guiana. Dans, et vivre dans cette Guyane française. That is created by my God. Qui a été créé par mon Dieu. And turn into Sodom and Gomorrah. Et devenir comme Sodome et Gomorrah. Created by my God. Créé par mon Dieu. With his hands. Avec ses mains. That the land. Que le pays. May worship him. Puisse l'adorer lui. But now. Mais maintenant. Sexual sin. Le péché sexuel. Everywhere. Partout. Repent from sexual immorality. Répétez-vous de l'immoralité sexuelle. Pornography. La pornographie. Repent. Repentez-vous. And return to Jehovah. Et revenez à l'Éternel. The women. Les femmes. Change your dressing. Changez votre façon de vous habiller. Let us dress to honor God. Habillons-nous pour honorer le Seigneur. Let us dress. Habillons-nous. To honor Jehovah. De honorer l'Éternel. Your body. Votre corps. Is the holy temple. Est le temple saint. Of the Holy Spirit. Du Saint-Esprit. So let us honor God with our body. Alors, honorons Dieu dans notre corps. Oh yes. Oh oui. The Messiah is coming. Le Messie revient. I want to end here. Je vais m'arrêter là. But the Messiah is coming. Le Messie revient. It is beautiful. C'est beau. For me to come here. Pour moi de venir ici. And announce to you this. Et de vous annoncer ça. Because. Parce que. Now you know. Maintenant vous savez. And if you know. Et si vous savez. You can make changes. Vous pouvez faire des changements. Reforms. Vous pouvez faire des réformes. The pastors. Les pasteurs. Stop preaching money. Arrêtez de prêcher l'argent. If any pastor. Si un pasteur. If any pastor. Si un pasteur. Preaches to you money. Vous prêchez de l'argent. Walk out. Sortez de là-bas. Walk out. Sortez de là-bas. Walk out. Sortez de là-bas. Tell him pastor. Dis-lui pasteur. How about the kingdom of God? Qu'en est-il du royaume de Dieu? Pastor, pasteur, I can see, je peux voir, that you want to make me wealthy, tu veux me rendre riche, and live on this earth, et vivre sur cette terre. How about my eternity? Mais qu'en est-il de mon éternité? Listen, listen, listen. Écoutez, écoutez. Listen. Écoutez. After, après, 1,000 years are over. Après qu'un millier d'années soient passées. In eternity. And dans l'éternité. Listen again. Écoutez encore. In eternity. Dans l'éternité. After 1,000,000 years are over. Après qu'un million d'années est fini. Eternity. L'éternité. Has not yet begun. N'a même pas encore commencé. Hallelujah. Hallelujah. In eternity. Dans l'éternité. When you enter there. Quand tu entres là-bas. After 70 years. Alors, les 70 ans that we have here, que nous avons ici, let us use to prepare. Utilisons ça pour nous préparer. Let us use it to prepare for eternity. Utilisons ça pour préparer l'éternité. Everlasting. Éternel. Life with God. La vie avec Dieu. Hallelujah. I want to end here. Je dois m'arrêter là. So now. Alors maintenant. Today. Aujourd'hui. Your lives need to change. Vos vies doivent changer. Total. Totalement. Totalement. Now listen to me. Maintenant écoutez-moi. I want to give people a chance. Je vais donner une chance aux gens. Everybody a chance. Donner à tout le monde une chance. To repent. De se repentir. And be right with God. Et d'être droit avec Dieu. To repent. De se repentir. And be right with Jehovah. Et d'être droit avec l'Éternel. With Yahweh. Avec Yahweh. Those of you who want to repent, lift up your hands. Ceux qui veulent se repentir, levez les mains partout où vous êtes. And repeat very loud with your hands lifted up. Gardez les mains levées, répétez à haute voix. I see everybody has lifted. Je vois que tout le monde a levé sa main. Say, dear Jesus. Dites, Seigneur Jésus. No, I need loud. Je veux plus fort que ça. Dear Jesus. Seigneur Jésus. I repent today. Je me repens aujourd'hui. And I choose holiness. Et je choisis la sanctification. And ask you, Lord. Et te demande, Seigneur. To come into my heart. De venir dans mon cœur. And bless my life. Et de bénir ma vie. With the Holy Spirit. Avec le Saint-Esprit. In the mighty name of Jesus. Dans le puissant nom de Jésus. Today, aujourd'hui, I am born again. Je suis né de nouveau. Let us clap to the Lord. Acclamons le Seigneur.